الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, intitulé « Adab al-Mashi ila al-Salah » dans lequel il a exposé les règles essentielles de la prière, de la zakat et du jeûne. Nous en sommes toujours au chapitre sur la description de la prière. Et nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, comme un récapitulatif des choses que l'on a mentionnées précédemment, car l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ici les piliers de la prière, ses obligations et ce qui est recommandé comme parole et comme acte durant la prière. Tout ce que l'on va voir aujourd'hui, on l'a déjà vu en réalité lors de la mention de la description de la prière à travers les paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Mais l'objectif ici est, premièrement, de bien distinguer dans ce que l'on a vu entre les piliers, les obligations et les choses recommandées. Et ceci est d'une grande importance, car le pilier, il est indispensable à la validité de la prière. Et en aucun cas, il ne peut être délaissé, que ce soit volontairement ou même par oubli. Les obligations de même ne peuvent être délaissées volontairement. Et la prière ne peut être valide si on délaisse une obligation volontairement. Mais si on oublie une des obligations de la prière, ceci peut être compensé par les prosternations de l'oubli. Quant aux choses recommandées, si on les délaisse, que ce soit volontairement ou par oubli, alors ceci n'a aucune incidence sur la validité de la prière. Mais comme on va le voir, ceci ne signifie pas pour autant que l'on doit les négliger. Donc, le fait de connaître cela te permettra de te concentrer essentiellement sur ce quoi repose la validité de ta prière. Et également, comme vous l'aurez compris, tu as besoin de savoir cela afin de pouvoir mettre en pratique les prosternations de l'oubli comme il se doit en cas d'erreur dans ta prière. Car dans le prochain cours, on verra, incha'Allah ta'ala, les règles des prosternations de l'oubli. Et pour bien comprendre ces règles, il est nécessaire de connaître qu'est-ce qui est un pilier de la prière, qu'est-ce qui est une obligation et qu'est-ce qui est recommandé. Car en fonction de cela, on fera ou non les prosternations de l'oubli. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a certainement fait précéder cela à la mention des règles des prosternations de l'oubli afin que ceci soit bien clair, incha'Allah ta'ala. Il a donc dit, rahimahullah, « وَالْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ رُكْنٌ » Et la station debout dans les prières obligatoires est un pilier, comme on l'a vu lors de la description de la prière, celui qui prie assis, une prière obligatoire. Alors qu'il a les capacités de se tenir debout, sa prière est invalide. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ En raison de la parole d'Allah, selon le sens, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc dans les prières obligatoires, il est impératif que tu te tiennes debout. Et on a vu que ceci ne concerne pas les prières surrogatoires qui peuvent être accompli assis, comme le démontre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait parfois la prière de nuit assis. Mais en ce qui concerne la prière obligatoire, à partir du moment où tu es capable de tenir debout, ceci ne doit pas être délaissé au risque d'invalider ta prière. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Illa li'ajiz » sauf pour celui qui en est incapable, celui qui, en raison d'une maladie ou autre, est incapable de se tenir debout. Ou alors, s'il se tient debout, il va y avoir pour lui une grande nuisance. Il se peut que cela aggrave son état de santé ou retarde sa guérison. Dans ce cas-là, il pourra prier assis. Incha'Allah ta'ala, il sera excusé. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Ou urian » ou une personne qui est nue. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une personne se trouve dans une situation, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous, où elle n'a pas de quoi se vêtir. Vient l'heure de la prière, comment fait-elle? L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, s'il ne trouve rien pour couvrir sa aura, il prie assis. Il prie assis et ce afin de cacher au mieux sa aura. Ensuite, il nous dit, « O khaif » ou « quelqu'un qui a peur ». Qu'est-ce que cela signifie, « quelqu'un qui a peur » ? Quelqu'un, par exemple, qui se trouve sur le champ de bataille. Il a peur d'être vu par l'ennemi s'il se lève. Donc, il priera assis afin de rester caché. C'est cela qui est visé par celui qui a peur. Ensuite, il dit, « O ma'moum, khalfa imam il hayy, al-ajizi anhu » ou alors un fidèle qui prie derrière l'imam du quartier qui est incapable de tenir debout. Si par exemple l'imam habituel de la mosquée est touché par une chose l'empêchant de se tenir debout, une maladie ou autre, et qu'il vient et dirige la prière en étant assis, alors il sera recommandé pour ceux qui prient derrière lui de prier assis. Et s'il prie debout, leur prière est valide, inshallah ta'ala. Mais la station debout ici ne sera pas un pilier les concernant. Ensuite, il nous dit, « وَإِنْ أَدَرَكَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ فَبِقَدْرِ التَّحْرِيمَ » Et s'il atteint l'imam, c'est-à-dire qu'il rejoint l'imam lors de la prière en commun, alors que ce dernier est en inclination, il devra au moins se tenir debout le temps de التَّحْرِيمَ, du takbir de sacralisation. Et ça, c'est d'une grande importance pour les retardataires. Certaines personnes, lorsqu'elles sont en retard, elles voient que l'imam est incliné, elles se précipitent à prononcer le takbir en s'inclinant, sans prendre le temps de prononcer le takbir de sacralisation debout. Et si tu fais cela, tu as omis un pilier de ta prière. Le takbir de sacralisation, il est impératif que tu le fasses alors que tu es debout. Donc lorsque tu es en retard, tu te mets dans le rang, tu prononces le takbir en étant debout, Allahu Akbar, puis ensuite tu rejoins l'imam dans sa position. Mais le takbir de sacralisation, tu dois impérativement le faire debout et ne pas le faire alors que tu es en mouvement. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, « Wa takbiratul ihram ruknun » Et le takbir de sacralisation, qui est le premier takbir de la prière, est un pilier, comme on l'a vu, on a mentionné les preuves lors de la description de la prière. وَكَدَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ Il nous dit, il en est de même, c'est-à-dire c'est aussi un pilier de réciter la Fatiha pour l'imam et celui qui prie seul. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme on l'avait vu lors du passage sur la description de la prière, il considère que la Fatiha n'est un pilier que pour l'imam et celui qui prie seul. C'est-à-dire que celui qui prie derrière l'imam, lors des prières à voix haute, selon l'avis de l'auteur et de la majorité des gens de science, il ne lui est pas demandé de réciter Surat al-Fatiha. Toutefois, les savants de l'école de l'imam al-Shafi'i et ce qui est connu, de ceux qui s'affilient au hadith, les gens du hadith, et que la récitation de la Fatiha est obligatoire pour celui qui prie derrière l'imam. Et ce en raison de la généralité de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Qui qu'il soit imam, qu'il soit derrière l'imam ou qu'il prie seul, il n'y a pas de différence à ce sujet. Wallahu ta'ala a'lam. Ceci est donc l'avis prépondérant à ce sujet et c'est également le plus prudent. Tout en sachant que même ceux qui disent que la récitation de la Fatiha n'est pas une obligation pour celui qui prie derrière l'imam, ils la recommandent tout de même lorsque l'imam laisse certains moments de silence entre sa récitation. Et ce afin de sortir de la divergence, c'est donc ce qu'il y a de plus sûr. Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, وَكَدَ الرُّكُوعِ Il en est de même pour l'inclination, qui est aussi un pilier. لِقَوْلِهِ ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا Ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. Donc l'inclination et la prosternation font partie des piliers de la prière. Ils ne peuvent être délaissés, ni volontairement, ni par oubli. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné un hadith concernant un homme qui n'avait pas accompli sa prière comme il fallait. Et il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة كالله لقري أن رجلا دخل المسجد فصلى أن أمي تدخل مسكي أبخي ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. Il est ensuite venu au prophète صلى الله عليه وسلم et lui a adressé السلام. فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui répondit alors pars et va prier car certes tu n'as pas prié. C'est-à-dire que cet homme avait omis certaines choses dans sa prière, rendant sa prière invalide. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Pars et va prier car certes tu n'as pas prié ». Celui qui prie d'une manière invalide, c'est comme s'il n'avait pas prié. Donc on lui ordonne de refaire cette prière. Ensuite il dit « Fa'alaha thalathan ». Il a fait cela à trois reprises, c'est-à-dire à trois reprises, il partait prier. Il revenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait à nouveau « Pars et va prier car certes tu n'as pas prié ». Alors cet homme lui dit « وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي » Par celui qui t'a envoyé avec la vérité en tant que prophète, je ne sais rien faire d'autre que cela, alors apprends-moi. C'est-à-dire qu'après avoir prié trois fois, l'homme a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait remarqué des erreurs dans sa prière que lui ne savait pas corriger. Il demande donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner. Et certains pourraient dire, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a-t-il pas directement dit la première fois les erreurs qu'il avait faites? La réponse est, comme l'ont mentionné les gens de science, que cette manière de procéder attire l'attention de l'auteur de l'erreur et lui permet de désirer connaître ce qui lui permettra de se corriger et de le retenir, inshallah ta'ala. En effet, regardez, au bout de trois fois, c'est lui-même qui demande. Il se rend compte qu'il n'arrive pas à atteindre cet objectif de prier de manière valide. Alors il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Lorsque tu te lèves pour prier, prononce le takbir. Prononce le takbir alors que tu es debout. Et on voit également ici un bénéfice très important qui est que lorsque tu te lèves pour prier, il n'y a aucune parole à prononcer avant le takbir de sacralisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ici, lorsque tu te lèves pour prier, une fois que tu es debout, fakabbir. Proclame la grandeur d'Allah, dis Allahu Akbar. Ne prononce rien avant cela, ni al-isti'ada, ni la basmala, ni autre parole. Et encore moins, ce qui fait partie des innovations comme le fait de prononcer l'intention à voix haute. Mais prononce simplement Allahu Akbar. Il ne t'est rien demandé de dire avant cela. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. Puis récite ce qui t'est facilité du Coran. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Ensuite incline-toi jusqu'à rester un instant en inclination. Ça c'est d'une grande importance. La quiétude en prière, le fait de ne pas s'empresser. Et on va revenir sur cela, inshallah ta'ala. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Ensuite, relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien redressé debout. C'est-à-dire, reste debout après l'inclination. Et tu dois rester un moment ainsi. Ne pas t'empresser de te prosterner. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Ensuite, prosterne-toi jusqu'à rester un moment immobile en prosternation, à faire preuve de quiétude durant cette prosternation. Tu ne picores pas comme le coq qui baisse sa tête et la relève immédiatement, non. Tu te prosternes, tu restes un moment en prosternation, et ensuite tu te relèves. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. Ensuite, assis-toi jusqu'à rester un instant immobile, assis, c'est-à-dire l'assise entre les deux prosternations. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. Puis fais cela dans toute ta prière. Fais cela dans toute ta prière. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné les choses principales faisant partie des piliers de la prière. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que ce hadith est rapporté par Al-Jama'a. Et il vise par Al-Jama'a les auteurs des deux recueils authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, ainsi que les auteurs des Sunan, qui sont Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai et Ibn Majah, rahimahum Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ إِذْ لَوْ سَقَتَ لَسَقَتَ عَنْ هَذَا الْأَعْرَابِيَ الْجَاهِلِ. Il dit, ce hadith nous démontre, et c'est une preuve, que tout ce qui est mentionné dans celui-ci, on ne peut en être affranchi dans aucune situation. Car si on pouvait en être affranchi, ce bédouin ignorant en aurait été affranchi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné à 3 reprises de refaire sa prière. Si on pouvait être affranchi de cela, il ne lui aurait pas ordonné de retourner prier. Donc ceci nous montre qu'il est impératif de faire ce qui est mentionné dans ce hadith. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالتُمَانِينَ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ رُكْنٌ لِمَا تَقَدَّمْ. Et la quiétude dans l'ensemble de ces actes est un pilier d'après ce qui a précédé, c'est-à-dire d'après ce qui a précédé dans le hadith. On voit qu'à chaque mouvement, à chaque changement de position, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de rester dans cette position un instant, de rester immobile, de faire preuve de quiétude, de ne pas s'empresser. Et ceci fait partie des piliers de la prière. Que tu restes un instant en inclination, que tu restes un instant debout après t'être redressé de l'inclination, que tu restes un instant en prosternation, et que tu restes un instant assis entre les 2 prosternations. Tu ne dois pas t'empresser, tu ne dois pas picorer, à l'exemple d'une poule ou d'un coq, mais tu fais preuve de quiétude, même si ce n'est qu'un instant. Mais tu dois impérativement t'immobiliser dans cette position. Ne pas te relever de l'inclination alors que tu ne t'es pas encore immobilisé dans cette position. Ça, c'est d'une grande importance, barakallahu fikoum, mais on a déjà développé ce point dans un cours précédent. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَرَأَ حُذَيْفَةَ رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ. Et حُذَيْفَةَ رَضِيَ anhu a vu un homme qui ne faisait pas correctement son inclination et sa prosternation. فَقَالَ لَهُ مَا صَلَّيْتَ. Il lui a alors dit, tu n'as pas prié. وَلَوْ مِتَّ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu mourrais ainsi, tu mourrais sur autre que la religion d'Allah sur laquelle il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une traduction des sens rapprochés du hadith d'après l'explication de certains mots de ceci. Donc on voit ici la gravité de la négligence de la quiétude en prière. Si tu meurs, tu ne mourras sur une autre religion que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi elle dit cela? Car celui qui ne prie pas, quel est son jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui la délaisse, c'est-à-dire la prière, a certes mécru. Et celui qui néglige son inclination et sa prosternation, il n'a pas de prière, c'est comme s'il n'avait pas prié. Donc on voit qu'il est en grand danger, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite il dit, والتشهد الأخير ركن. Et le dernier tashahhud est un pilier. لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. Donc la preuve que le dernier tashahhud est un pilier, la parole d'Ibn Mas'ud رضي الله عنه qui a dit, nous disions avant que le tashahhud nous soit prescrit, c'est-à-dire nous soit imposé et qu'il soit rendu obligatoire. Il disait Assalam ala Allah, Assalam ala Jibril wa Mikaïl. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne dites pas ainsi, mais dites plutôt At-Tahiyyatu Lillah jusqu'à la fin du tashahhud. Et ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est sa parole avant que le tashahhud nous soit prescrit, c'est-à-dire avant qu'il soit obligatoire. Donc le dernier tashahhud de la prière, c'est un pilier de la prière. Quant au premier tashahhud, dans les prières à 2 tashahhud, on va voir que c'est une obligation. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné les obligations de la prière et il a dit « وَالْوَاجِبَاتُ الَّتِي تَسْقُطُ سَهْوًا ثَمَانِيَ » Et les obligations desquelles on est dispensé si on les oublie sont au nombre de 8. C'est-à-dire que ces 8 choses qui vont être mentionnées, si tu les oublies, tu n'es pas obligé de revenir à la position de la prière pour les faire ou les prononcer. Contrairement au pilier, si tu oublies un pilier, par exemple, tu es debout, tu récites la Fatiha, tu récites la sourate qui suit, puis tu te prosternes, tu oublies l'inclination. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois immédiatement te relever, puis t'incliner. Car l'inclination est un pilier et tu ne peux pas la délaisser. Mais l'obligation, elle n'a pas le même jugement. Si tu oublies par exemple le premier tashahhud, tu as la deuxième unité, tu oublies de t'asseoir pour le premier tashahhud, et tu te relèves directement pour la troisième unité. Une fois que tu es debout, tu as commencé à réciter surat al-Fatiha, il ne t'est pas demandé de te rasseoir lorsque tu t'en rends compte. Car le premier tashahhud fait partie des obligations de la prière. Et ceci sera compensé, comme on le verra dans le prochain cours, par les prosternations de l'oubli. Donc il dit concernant les 8 obligations, التكبيرات غير الأولى. Les takbirs que tu prononces dans ta prière, à l'exception du premier. Le premier, on a vu, c'est un pilier. Le takbir de sacralisation. Tu ne peux pas entrer en prière sans le prononcer. Tous les autres, le takbir que tu fais pour t'incliner, pour te prosterner, pour te relever de la prosternation, ceux-là sont des obligations de la prière et cela ne fait pas partie des piliers de la prière. Ensuite, il dit « وَالتَّسْمِيعُ لِلْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ » Et le fait de dire « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ » concernant l'imam et celui qui prie seul. Et selon cet avis, qui est l'avis de la majorité des gens de science, il n'est pas demandé à celui qui prie derrière l'imam de prononcer cette parole. Ils se sont basés sur le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'imam a été désigné pour être suivi » Et lorsqu'il dit « Sami Allahu liman hamida » dites « Rabbana wa lakal hamd ». Les gens de science ont donc expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de dire à ceux qui sont derrière l'imam « Sami Allahu liman hamida ». Et ceci démontre que cette parole ne lui est pas demandée, mais qu'il dira simplement « Rabbana wa lakal hamd ». Et d'autres parmi les gens de science ont dit que le fidèle dit également « Sami Allahu liman hamida ». Et ils se sont basés pour cela, sur la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Ils ont donc dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Sami Allahu liman hamida » donc nous disons « Sami Allahu liman hamida » que nous soyons imam, que nous prions seuls ou que nous prions derrière l'imam. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite il a dit « Wat tahmid lil kull » Et le tahmid pour tous, et ce qui est visé par le tahmid, c'est la parole « Rabbana wa lakal hamd ». « Wa tasbih ruku'in wa sujoud » Et le tasbih lors du ruku' et du sujoud, c'est-à-dire le fait de dire « Subhana rabbi al-azim » lors de l'inclination et « Subhana rabbi al-a'la » lors de la prosternation. Et l'obligation est de le dire au moins une fois, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Wa qawl rabbi ghfirli. Et la parole rabbi ghfirli. C'est-à-dire lors de l'assise entre les deux prosternations. Ceci est une obligation. Une fois. Wa tashahhud al-awwal. Le premier tashahhud. Wa al-julus lahu. Et le fait de s'asseoir pour celui-ci. Ceci sont donc les 8 obligations de la prière. Qui vous voyez sont toutes des paroles. À l'exception d'une obligation qui est l'assise pour le tashahhud. Tout le reste, ce sont des paroles. Et la majorité des gens de science ont considéré que ces paroles ne sont pas obligatoires. Mais l'imam Ahmad, rahimahullah, a soutenu leur obligation, comme l'a mentionné Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, et il a mentionné comme preuve de l'obligation la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith, rapporté par Abu Dawud et authentifié par Al-Albani, rahimahullah ta'ala, « La prière d'une personne parmi les gens ne peut être complète » tant qu'il n'aura pas fait les ablutions. Puis il a dit plus loin dans le hadith, puis qu'il prononce le takbir, puis qu'il s'incline jusqu'à faire preuve de quiétude, puis qu'il dise « Sami Allahu liman hamida », puis qu'il dise « Allahu Akbar » et ainsi de suite jusqu'à la fin du hadith. Donc ils ont dit que ceci est un texte clair démontrant l'obligation du takbir et l'obligation de la parole « Sami Allahu liman hamida » et ce car chaque position faisant partie des piliers de la prière, a une parole qui l'accompagne. Et cette parole fait partie des obligations de la prière, Wallahu ta'ala, a'lam. Donc on a dit que la différence entre les piliers et les obligations et les choses recommandées dans la prière, c'est quoi? C'est que les piliers, tu es obligé de les accomplir. Tu ne peux pas y échapper, tu ne peux en être affranchi, que ce soit par oubli ou volontairement. Les obligations, elles, si tu en délaisses une volontairement, ta prière est invalide. Mais si tu en délaisses une par oubli, alors ceci peut être compensé par les prosternations de l'oubli. Quant aux choses recommandées dans ta prière, si tu les accomplis, alors tu es récompensé pour cela, Inch'Allah ta'ala, si tu le fais pour Allah. Et si tu les délaisses, tu n'as pas de péché en cela. Ceci ne veut pas dire que il ne faut pas y accorder d'importance, mais si tu souhaites t'élever en degré par cette prière et si tu souhaites augmenter tes récompenses, alors il est demandé à ce que tu donnes de l'importance aux choses recommandées dans ta prière. Mais si tu les délaisses, tu n'as pas de péché. Et le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, nous dit « Sauf s'il les délaisse à titre de détournement de la sunnah. » C'est-à-dire qu'il veut s'écarter de la sunnah, il ne veut pas donner d'importance à la sunnah. Et il dit, la preuve à ce sujet, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui se détourne de ma sunnah ne fait pas partie des miens. » Et ceci est général, celui qui délaisse une chose parmi les choses légiférées dans la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les délaisse par détournement de celle-ci, non pas par négligence ou par feignantise ou autre. Alors celui-ci, il est en danger. Mais celui qui néglige sa prière et ne l'accomplit pas de la meilleure manière, en délaissant certaines choses recommandées, par paresse ou par mauvaise habitude ou autre chose semblable, celui-là, il n'a pas de péché, inshallah ta'ala, pour les choses recommandées qu'il n'aura pas fait dans sa prière, mais il a un grand manque à gagner en termes de récompense. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wa ma'ada dhalika » فَسُنَنُ أَقْوَالْ وَأَفْعَالْ. Donc, tout ce qui ne fait pas partie de ce que l'on a mentionné précédemment, c'est-à-dire les piliers et les obligations, cela fait partie des sunan de la prière, parmi les paroles et les actes. C'est-à-dire, ce sont des choses recommandées. Si tu oublies une de ces choses dans ta prière ou ne la fais pas volontairement, ta prière est valide, inshallah ta'ala. Donc, toutes ces choses-là qui vont venir, les erreurs à leur sujet n'auront aucune incidence sur la validité de ta prière et ne nécessiteront pas les prosternations de l'oubli. Donc il a dit, فَسُنَنُ الْأَقْوَالِ سَبْعَ عَشَرَ. Les sunanes liées aux paroles sont au nombre de 17. الْإِسْتِفْتَاح, l'invocation d'ouverture, وَالْتَعَوُّذ, le fait de dire أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ avant la récitation, وَالْبَسْمَلَ, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, وَالْتَأْمِن, le fait de dire أَمِن, c'est-à-dire après surat al-Fatiha, وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد. Et la lecture d'une sourate, c'est-à-dire après sourate al-Fatiha, lors des deux premières unités de la prière, et lors de la prière du Fajr, lors de la prière del Jumu'ah et lors de la prière de l'Aïd. C'est une chose qui est recommandée. Si après avoir récité sourate al-Fatiha, tu t'inclines, ta prière est valide. Si tu as oublié de réciter une sourate après sourate al-Fatiha, ceci n'a aucune incidence sur la validité de ta prière. Mais ceci ne veut pas dire que tu dois délaisser la récitation. Ne te prive pas de la récitation des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour chaque lettre, tu as une hasana, et la hasana en vaut 10 semblables à elle, jusqu'à 700. Donc ne néglige pas ce bien, récite, ne serait-ce que quelques versets du Qur'an. Ensuite, il dit « وَالتَّطَوُعِ كُلِّهِ » et dans les prières surrogatoires en entière, c'est-à-dire que dans les prières surrogatoires, dans chaque unité, il est recommandé, et c'est une sunna de réciter après surat al-Fatiha une autre surah. Ensuite, il dit « wal-jahr wal-ikhfat » la récitation à voix haute ou à voix basse. Ceci fait partie des choses recommandées en prière, c'est-à-dire de réciter à voix haute dans les prières qu'il est légiféré de réciter à voix haute, la prière del Fajr, la prière del Maghreb et la prière del Isha, et réciter à voix basse dans les prières qui sont légiférées à voix basse, la prière de Dhor, la prière de l'Asr. Ceci fait partie des choses recommandées. Cela ne fait pas partie des piliers de la prière ni des obligations. Donc, si tu oublies de réciter à voix haute lors de la prière de l'Fajr, ta prière est valide, Inch'Allah. Cela n'a pas d'incidence sur la validité de ta prière. Si une femme se trouve dans un endroit où il y a des hommes étrangers, elle va prier à voix basse, et ceci n'a aucune incidence sur la validité de sa prière, et ainsi de suite. Ensuite, il dit « Waqol, mila sama wal ard ila akhirihi » est la parole que l'on prononce à la suite de l'invocation Rabbana wa lakal hamd. On a vu, lors de la description de la prière, certains ajouts à cela. Ces ajouts sont des ajouts qui sont recommandés, qui ne sont pas obligatoires. وَمَا زَادَ عَلَى الْمَرَّةِ فِي تَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ. Et ceux qui est supplémentaire au tasbih de l'inclination et de la prosternation. C'est-à-dire que lors de ton inclination, tu vas dire Subhana Rabbi al-Azim. Une fois, c'est obligatoire. Ce que tu dis en plus est recommandé. Mais à partir du moment où tu l'as dit une fois, tu t'es acquitté de ton obligation. Et de la même manière lors du sujoud, Subhana Rabbi al-A'la. Une fois, c'est obligatoire. Ce qui est ajouté à cela est recommandé. Ensuite, il dit « وَقَوْلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي » Le fait d'ajouter, que ce soit un ajout de nombre, de répéter cette parole, ou un ajout de parole, comme en prononçant l'invocation plus complète que l'on a vue lors de la description de la prière. Ensuite, il dit « وَالتَّعَوُذْ مِنَ الْأَرْبَعْ فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ » Et la recherche de protection contre les quatre lors du dernier tashahud. Recherche de protection contre le châtiment de la tombe, le châtiment du feu, tentation de la vie et de la mort et la tentation du faux messie, Ad-Dajjal. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ceci fait partie des choses recommandées en prière. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Et certains parmi les savants ont dit que cela était obligatoire. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Donc il ne convient pas de délaisser cette invocation lors du dernier tashahud. Ensuite il dit « Wassalatu ala alin nabiyyi » والبركه عليه وعليهم et la prière sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la demande de bénédiction sur lui et sur eux. Qu'est-ce que cela signifie? On a vu que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des piliers de la prière lors du dernier tashahhud et elle est recommandée lors du premier tashahhud. Mais lors du dernier tashahhud, c'est un pilier, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, il nous dit ici, la prière sur sa famille, elle est recommandée. Et l'imploration de la bénédiction en sa faveur et en faveur de sa famille, c'est recommandé. Qu'est-ce que cela signifie? La meilleure manière de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la salat al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Sur la famille de Muhammad, cela est recommandé. Si tu ne le dis pas, ta prière est valide, inshallah ta'ala. On ne dit pas de le délaisser. Cela est mieux de le dire. Mais si une personne oublie, cela n'a pas d'incidence sur la validité de sa prière. Ensuite, tu vas dire, Allahumma barik ala Muhammad. À partir de cette parole, cela est recommandé. Si tu ne dis pas cette parole, ta prière est valide, inshallah ta'ala. Et le minimum exigé pour que ta prière soit valide est de dire, Allahumma salli ala Muhammad. À partir du moment où tu as dit cela, tu t'es acquitté de l'obligation. Et le reste est recommandé. On ne dit pas de le délaisser. Prononce Salat al-Ibrahimiyya en entière, dans l'ensemble de tes prières. Mais s'il arrive à une personne d'oublier ou de faire une erreur, alors qu'elle sache que s'il a délaissé une partie qui est recommandée, ceci n'a pas d'incidence sur la validité de sa prière. Wallahu ta'ala a'lam. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a dit ici qu'il y avait 17 paroles recommandées, et en réalité, il en a cité moins que cela. Et le shaykh Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, a ajouté dans son commentaire une parole tirée du livre Al-Iqna' pour mentionner les choses recommandées qu'il manque pour atteindre le nombre de 17. Et il a mentionné l'invocation lors du dernier tashahhud, c'est-à-dire avant les salutations finales. On a vu que ceci fait partie des choses recommandées. Il dit « Ce qui est ajouté à ce qui suffit lors du premier tashahhud, c'est-à-dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du premier tashahhud. Elle est recommandée. Le tashahhud, il est obligatoire, mais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du premier tashahhud, elle est recommandée. Et il a mentionné al-qunut lors de la prière du witr, qui est une chose recommandée parmi les paroles. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné les actes recommandés dans la prière. Et il a dit وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَسُنَنُ أَفْعَالٍ Et il reste après cela les sunan liées aux actes. مثل قون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه. Le fait que les doigts soient tendus et joints les uns aux autres, que les paumes des mains soient orientées vers la Qibla, et qu'on les lève lors du takbir de sacralisation, lors de l'inclination, et lorsqu'on se relève de l'inclination. Et on peut ajouter à cela également lorsqu'on se relève pour la troisième unité de prière, lors des prières à plus de deux unités. Ensuite, il dit « وَحَطُّهُمَا عَقِبَ ذَلِكِ وَقَبْضَ الْيَمِينَ عَلَى قَوْعِ الشِّمَالِ وَجَعْلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ » Le fait de redescendre ses mains après les avoir levées et de poser sa main droite sur sa main gauche en tenant son poignet gauche avec sa main droite et de poser ses mains, il nous dit l'auteur, sous son nombril. Et on a vu la divergence à ce sujet lors de la description de la prière. On a vu que le plus juste est que les mains sont posées sur la poitrine. Ensuite, il dit « وَالنَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ » et le fait de regarder l'endroit de sa prosternation, c'est-à-dire tout au long de la prière, à l'exception du tashahhud, on regardera son index. Donc ceci est recommandé. « وَتَفْرِقُهُ بَيْنَ قَدَمَيْ فِي قِيَامِهِ » et le fait de ne pas coller ses pieds lors de la station debout. Il y a certaines personnes qui rapprochent leurs pieds l'un de l'autre lorsqu'ils sont en station debout. Et ceci est contraire à la sunna. D'autres les écartent exagérément. Et ceci également est contraire à la sunna. Mais ce qui est attendu du prieur est qu'il tienne ses deux pieds droits, sans les approcher l'un de l'autre, sans les éloigner l'un de l'autre excessivement, mais que ses jambes soient alignées à son corps. Ensuite, il dit « وَمُرَاوَحَتُهُ بَيْنَهُمَا » et le fait qu'il s'appuie tantôt sur l'un et tantôt sur l'autre. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il mentionne cela en se basant sur un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, a jugé ce hadith comme ayant une chaîne de transmission faible. Ceci ne peut donc servir d'argument. Il n'est donc pas demandé au prieur de s'appuyer tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Mais on s'appuie sur ses deux pieds ensemble en se tenant bien droit durant la station debout. Ensuite, il dit « وَتَرْتِيلُ الْقِرَاءَ » et le fait de réciter lentement et clairement. Ceci fait partie des choses recommandées. « وَتَّخْفِيفُ لِلْإِمَامِ » et le fait d'alléger la prière pour l'imam, c'est-à-dire de ne pas la prolonger exagérément de crainte de nuire aux fidèles derrière lui. « وَقَوْنُ الْأُولَى أَطْوَالْ مِنَ الثَّانِيَةِ » le fait que la première unité soit plus longue que la deuxième. Ceci fait partie de la sunna également et c'est une chose recommandée. « وَقَبْدُ رُكْبَتَيْ بِيَدَيْ مُفَرِّجَتَيْ الْأَصَابِعْ فِي الرُّكُوعْ » et le fait qu'il tienne avec ses deux mains, ses deux genoux, en ouvrant ses doigts et en empoignant ses genoux avec sa main droite le genou droit, avec sa main gauche le genou gauche, durant l'inclination. Ceci fait également partie des choses recommandées. « وَمَدُّ ظَهْرِهِ مُسْتَوِيًا وَجَعَلُ رَأْسِهِ حِيَالَهُ » et le fait d'étendre son dos bien droit et de mettre sa tête alignée avec son dos, c'est-à-dire qu'il ne relève pas sa tête et il ne la baisse pas durant l'inclination, mais il aligne sa tête avec son dos. Ceci fait partie des choses recommandées. « وَوَضْعُ رُكْبَتَيْ قَبْلَ يَدَيْ فِي سُجُودِهِ » وَرَفْعُ يَدَيْ قَبْلَهُمَا فِي الْقِيَامِ » le fait de poser ses genoux avant ses mains lorsqu'on se prosterne et de lever ses mains avant ses genoux lorsqu'on se relève. Et on a vu la divergence entre les gens de science à ce sujet. Certains ont dit qu'on pose d'abord les genoux, d'autres ont dit que l'on pose d'abord les mains, et l'affaire est large à ce sujet, inshallah ta'ala. Car quoi qu'il en soit, ceci fait partie des choses recommandées et non des choses obligatoires dans la prière. Ensuite il dit « وَتَبْكِينُ جَبَهَتِهِ وَأَنْفِهِ مِنَ الْأَرْضِ » et le fait de bien poser son front et son nez sur le sol. Alors ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'a voulu viser l'auteur, rahimahullah ta'ala. Est-ce qu'il a voulu mentionner le fait que le front et le nez doivent bien être posés sur le sol sans aucun obstacle? Ou autre que cela, wallahu a'lam. Car cette question, il va l'aborder dans les lignes suivantes. Mais quoi qu'il en soit, on doit savoir que poser son front au sol avec son nez est un pilier de la prière. Il est impératif que la personne pose bien son front et son nez sur le sol lorsqu'elle se prosterne. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit « Il est impératif de bien poser son front et son nez, c'est-à-dire lors de la prosternation. Et la prosternation n'est valide que par cela. Et si la personne, volontairement, ne pose pas son front ou son nez au sol, sa prière est invalide. » Puis il dit, rahimahullah, Il est impératif de se prosterner sur le nez et sur le front ensemble. Le front et le nez doivent bien être posés au sol. Car, comme on a vu dans les piliers de la prière, il fait partie de ces piliers de se prosterner sur les sept membres. Le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et l'extrémité des deux pieds. Ensuite, il dit « وَمُجَافَةُ عَضُدَيْ عَنْ جَنْبَيْ » et le fait d'écarter ses bras de ses flancs. « وَبَطْنِهِ عَنْ فَخْذَيْ » et son ventre de ses cuisses. « وَفَخْذَيْ عَنْ سَاقَيْ » et ses cuisses de ses mollets. Comme on l'a vu lors de la description de la prière, la personne ne doit pas se recroqueviller lors de sa prosternation, mais elle doit écarter ses membres les uns les autres. Ceci fait partie de la sunnah. Ensuite, il dit « وَإِقَامَةُ قَدَمَيْ » et le fait de dresser ses pieds, c'est-à-dire de dresser ses pieds lors de la prosternation, de ne pas les coucher sur le dessus. « وَجَعْلُ بُطُونِ أَصَابِعِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ مُفَرَّقًا » et le fait de poser l'extrémité des deux pieds, leur dessous, sur le sol. Et on les met, comme on l'a vu, en direction de la Qibla. Ceci fait partie des choses recommandées. « وَوَضْعُ يَدَيْ حَذْوَ مَنْكِبَيْ مَبْسُوتَةَ الْأَصَابِعِ إِذَا سَجَدْ » et le fait de poser ses deux mains et d'étendre ses doigts à hauteur de ses épaules lorsqu'il se prosterne. وَتَوْجِيهُ أَصَابِعْ يَدَيْ مَضْمُومَ إِلَى الْقِبْلَ et le fait d'orienter ses doigts joints les uns aux autres en direction de la Qibla. وَمُبَاشَرَةُ الْمُصَلَّى بِيَدَيْ وَجَبْهَتِي et le fait qu'il touche directement son lieu de prière avec ses mains et son front. C'est-à-dire que le prieur ne doit pas mettre une chose entre son front et le sol, ou entre ses mains et le sol. Mais il est recommandé qu'il pose son front et ses mains sur le sol, que ce soit sur la terre s'il prie dehors, ou sur la moquette s'il est à la mosquée, ou sur un tapis s'il prie sur un tapis chez lui, peu importe. Mais il n'ajoute rien à cela, c'est-à-dire qu'il ne met pas une chose particulière pour ses mains et son front. وَقِيَامُهُ إِلَى الرَّكْعَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْ مُعْتَمِدًا بِيَدَيْ عَلَى فَخْذَيْ et le fait qu'il se relève pour l'unité suivante sur le dessous de ses pieds en posant ses mains sur ses cuisses ou sur ses genoux comme on l'avait vu. Ceci est ce qu'ont mentionné les gens de science qui considèrent que on ne cède pas de ses mains pour se relever. Et on a vu qu'il est confirmé dans la sunna la légitimité de céder de ses mains pour se relever en les posant au sol. Ou les mains aplaties selon certains avis, ou en posant ses poings fermés sur le sol. Et ceci fait partie de la sunna également. Mais ceux qui considèrent qu'on relève d'abord les mains, puis les genoux, ont mentionné cette description mentionnée par l'auteur, rahimahullah, et l'affaire est large à ce sujet, inshallah ta'ala. Ensuite il dit, « وَالِفْتِرَاشْ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكُ فِي الثَّانِ » L'assise de l'iftirash, lors de l'assise entre les deux prosternations, et lors du premier tashahud, et at-tawarruk, l'assise d'at-tawarruk, lors du deuxième tashahud, dans les prières où il y a deux tashahud. Donc à l'iftirash, on avait décrit que la personne allonge son pied gauche, pose son postérieur sur son pied gauche, et elle dresse son pied droit, perpendiculaire au sol, en mettant ses orteils en direction de la Qibla. Ceci est l'assise d'Aliftirash, qui est légiférée lors des assises entre les deux prosternations et lors du premier tashahud. Et à Tawarruk, c'est la même assise, sauf que la personne va poser son postérieur gauche sur le sol et elle va glisser son pied gauche en dessous de sa jambe droite, tout en maintenant son pied droit, perpendiculaire au sol, dressé, et les orteils en direction de la Qibla. Ensuite il dit « وَوَضْعُ يَدَيْ عَلَى فَخْذَيْ مَبْسُوطَتَيْنْ مَضْمُومَتَيْ الْأَصَابِعْ » et le fait de poser ses mains sur ses cuisses, étendues, les doigts joints les uns aux autres, « مُسْتَقْبِلًا بِهِمَا الْقِبْلَ بَيْنَ سَجْدَتَيْنْ » en orientant ses mains en direction de la Qibla entre les deux prosternations. C'est-à-dire lorsque tu t'assois, entre les deux prosternations, tu poses tes deux mains sur tes cuisses, tu joins tes doigts, tu les étends et tu les mets en direction de la Qibla. Et il dit « Wafit tashahud » c'est-à-dire et également durant le tashahud, c'est-à-dire concernant la main gauche. Et on va voir la description concernant la main droite. Et il dit « Wa qabd al-khinsar wal-binsar min al-yumna wa tahliq ibhamiha مع الوسطى والإشارة بسبابتها. Donc la main gauche durant le tashahhud, tu la mets comme dans l'assise entre les deux prosternations. Posée sur ta cuisse gauche, les doigts joints les uns aux autres en direction de la Qibla. Quant à la main droite, elle est sur la cuisse droite. Tu fermes ton auriculaire, le petit doigt et l'annulaire. Tu fais un cercle avec ton majeur et ton pouce. Et tu orientes ton index en direction de la Qibla. Ceci est la position de la main recommandée. La deuxième position qu'on avait vue est que l'on ferme tous ses doigts, l'annulaire, l'auriculaire, le majeur, et on pose le pouce sur le majeur et on oriente son index en direction de la Qibla. Ces deux manières sont confirmées dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il dit, rahimahullah, « وَلِلْتِفَاتْ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي تَسْلِيمِهِ » et le fait de se tourner à droite et à gauche lors des salutations finales. Ceci fait partie des choses recommandées dans la prière. Et il dit « وَتَظْلِيلُ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ فِي الْإِلْتِفَاتِ » et le fait de se tourner plus à gauche qu'à droite lorsqu'on se tourne lors des salutations finales. Le Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, a mentionné dans son commentaire qu'il n'a trouvé aucune preuve explicite de cela. Mais que ce qui est venu dans les hadiths authentiques à ce sujet et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait à droite et à gauche de la même manière jusqu'à ce qu'on voit la blancheur de sa joue. Donc rien n'indique la préférence de se tourner plus sur la gauche lors des salutations finales que sur la droite. Wallahu ta'ala a'lam. On a donc terminé concernant ce récapitulatif des piliers, des obligations et des sunan, des choses recommandées dans la prière. Et lors de notre prochain cours, inshallah ta'ala, nous verrons les règles liées aux prosternations de l'oubli. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.